Chapitre 12e. Le spectacle de la mort épouvante les enfants plus qu'il ne les afflige. Ce mot mystérieux dont ils ne pénètrent pas le sens implacable les remplit d'une terreur qu'ils cherchent vainement à comprendre. Cela les fait frissonner, mais cela ne les attriste pas. Il y a une secousse, un ébranlement, puis rien. Où il y avait quelqu'un qui répandait des flots de tendresse, il n'y a plus personne. S'ils versent des larmes, c'est qu'elles leur sont arrachées par le spectacle des larmes qui coulent autour d'eux, mais la source en est vite épuisée. Un sourire les efface comme un rayon de soleil boit les gouttes de pluie apportées par une matinée d'avril dans le calice d'une fleur. Quelque chose de plus grave, cependant, s'enfonça dans l'âme du jeune Orion. Ce garçonnet robuste, qui charge un bélier sur ses épaules, ressentait les effets de la maléducation où le maintenait son père. Il avait une profondeur relative. De plus, il avait vu sa mère dans des circonstances qui le disposaient au long souvenir. Il resta pâle quelques jours. La bigorne le surprit souvent, à l'heure où Philibert était parti, les yeux dans le ciel, immobile et rêveur, comme s'il eût cherché dans la lumière naissante la trace de celle qui n'était plus, et demandait à l'éternel azur le secret de cet enlèvement. La bigorne émue l'embrassait et Henri, poussant un profond soupir, rentrait dans son travail. On le vit pendant de longs mois vêtu de vêtements noirs. Monsieur de Carlepont lui parlait sans cesse de la sainte que les anges avaient prise. Le dimanche, au sortir de la messe, il le conduisait au cimetière où Philibert reposait entre les cyprès. Au retour, la main de l'enfant tremblait dans la main du père. « Sois brave et sois bon, elle te regarde, » disait le duc. Pendant son sommeil, il lui arriva souvent de voir une ombre transparente et lumineuse traverser sa chambre et s'incliner sur son lit. L'impression mystérieuse d'un baiser faisait frissonner l'enfant tout à coup, et quand il se réveillait, les bras ouverts dans la nuit, son visage ruisselait de larmes. Une seule fois, un soir, il parla de ses songes à la bigorne, qu'il écouta dans un grand recueillement. « Est-ce un songe ?» vient Henri en finissant. La bigorne joignit les mains. « Dieu est le maître, » dit-elle. À la première nouvelle qu'il eut de la mort de Madame de Carlepont, M. de Bléré était venu passer quelques jours à la Cormelle. Ses jours devinrent des semaines. Rien d'ailleurs n'était changé dans la vie des solitaires. M. Bonafous se présentait aux mêmes heures. L'enfant bêchait le jardin et coupait le bois. Noël promenait sa serpe dans le verger. La bigorne sifflait en battant le linge et l'étendait sur les cordes ajustées aux arbres. Et quand un pauvre passait sur la route, il trouvait comme autrefois à la porte de la métairie un morceau de pain et un verre de cidre. M. de Bléré, dans les commencements, offrit son château à M. de Carlepont. Le duc refusa. M. de Bléré regarda l'enfant qui n'avait plus les belles couleurs des anciens jours. « Je vous comprends, » répondit M. de Carlepont, « mais si la douleur est un ennemi, il faut habituer l'enfant à ne pas reculer devant elle. » Un temps s'écoula. Un soir d'octobre, en revenant de la chasse, M. de Carlepont aperçut dans une lande, au revers d'un fossé, un jeune garçon qui dormait. Il était couvert de vêtements loques et poudreux, les pieds nus dans de méchants souliers crevassés, la poitrine au vent, et tout de son long étendu dans une attitude qui décelait une fatigue extrême. L'ombre se faisait. La longue flèche des peupliers n'avait plus de lumière qu'à sa pointe. Point de hameau, point de chaumière aux environs. Dans la campagne, ni laboureur ni berger. Le chemin le plus proche était encore à une bonne distance. M. de Carlepont jugea que c'était quelque petit pâtre égaré. Comme il se penchait pour le tirer par le bras, il remarqua des traces humides de larmes sur les joues de l'enfant. L'une d'elles tremblait encore au coin des cils. En dormant, il avait la poitrine secouée par des sanglots qui la gonflaient par secousses. Un sommeil rempli de pleurs a quelque chose de touchant dans l'enfance. M. de Carlepont réveilla doucement le petit dormeur. Celui-ci s'étira, se frotta les yeux, jeta un regard effaré autour de lui, se leva tout d'un coup comme si la mémoire lui fût revenue, et joignant les mains, « Ah, mon Dieu !» fit-il. Ça, mon petit homme, lui dit M. de Carlepont, d'où viens-tu et où vas-tu? Je ne sais pas, répondit l'enfant. Tu es du pays, cependant. L'enfant promena les yeux de tous côtés. Mon pays n'est pas tout près d'ici, reprit-il. Voilà des arbres et un ruisseau que je ne connais pas. Tu as sans doute des parents. Où sont-ils? Je les avais ce matin. Je ne les ai plus ce soir. Comme il achevait de parler, les larmes le gagnèrent. Si je pleure, dit-il en passant ses petits poings sur son visage. « Ce n'est pas que j'ai peur, c'est... » C'est que j'ai faim. » Monsieur de Carlepron tira un morceau de pain de son bissac. L'enfant se jeta dessus. « Voilà tout un jour que je n'ai pas mangé, » dit-il. On le devinait aisément au furieux coup de dent qu'il donnait. « Et quand tu n'auras plus faim, que feras-tu ? » continua le duc. Le morceau de pain demi-dévoré tomba des mains de l'enfant. « Monsieur, » dit-il, « je voudrais bien gagner ma vie. Je sais conduire les brebis et les dindons au pâturage. Je suis fort, quoiqu'il n'y paraisse pas. Si je trouvais une personne charitable qui voulait bien me prendre chez elle, je m'emploierais bien à tout. » L'enfant s'efforça de rester ferme, mais sa voix tremblait un peu. Il ne mangeait plus. « Comment t'appelles-tu ? » poursuivit Monsieur de Carlepont. « Gilbert. » Le duc voyait devant lui un pauvre être qui paraissait avoir une douzaine d'années. Il était petit, maigre, efflanqué, sauvage, très brun, avec des yeux noirs et vifs, et une crinière de cheveux tout ébouriffée autour du cou. Il avait quelque chose d'un louveteau, l'air inquiet, le regard rapide et brillant, les dents blanches, la jambe sèche, le flanc creux. Il était couvert de vêtements sordides, criblés de trous, rapiécés en bas endroits. Le pantalon tenait aux hanches par un bout de ficelle. Un chapeau de paille déchiqueté gisait dans le fossé. Tout indiquait une misère profonde et l'habitude du besoin. Gilbert avait la taille d'un petit garçon. « Vrai Dieu, il n'arriverait pas à l'épaule d'Henri, » murmura M. de Carlepont. Les membres, il est vrai, étaient chétifs et grêles, mais sous la peau hâlée par tous les soleils de l'été et durcis par les brises froides de l'hiver, un réseau de muscles et de nerfs se croisait en saillie drue et serrée. La constitution n'était pas atteinte, bien qu'à cette adolescence souffreteuse le pain eût souvent manqué. Le duc se connaissait en physionomie. Il fut content de celle qui se présentait à lui sous les auspices du hasard. La souffrance et la crainte, qui en est la compagne habituelle, n'y avaient imprimé la trace d'aucun sentiment bas. Au contraire, une certaine fierté s'y montrait, point d'astuce dans les yeux, mais dans l'ensemble, les traits anguleux, une expression générale d'espièglerie et de hardiesse. La lumière ne brillait plus à la cime des peupliers. La nuit se faisait. Gilbert se baissa et ramassa dans l'herbe son chapeau de paille. « Veux-tu me suivre ?» dit tout à coup M. de Carlepont. « Volontiers, » répondit Gilbert. Ils firent quelques pas en silence à travers la lande au moment où ils pénétraient dans un champ d'ajoncs. Gilbert s'affaissa sur une pierre. « Je ne puis plus aller, » dit-il. Le duc s'aperçut alors que son petit compagnon avait les pieds meurtris et presque en sang. Un épuisement horrible se lisait sur son visage, mais pareil à une bête fauve, il ne se plaignait pas. « Si vous pensez encore à moi demain matin, » continua Gilbert, « vous me trouverez sûrement ici. » Déjà il faisait mine de se coucher dans la mousse. Lorsque l'enlevant d'un bras vigoureux, M. de Carlepont l'assit solidement sur ses épaules. « J'ai porté des chevreuils qui pesaient plus que toi, mon bonhomme, » dit-il. « Donc, haut le pied et allons souper. »« Merci, » répondit l'enfant. Bientôt, au poids lourd qu'il sentait sur sa tête dont l'enfant s'était fait un oreiller, et au mouvement régulier d'une respiration dont il entendait le souffle égal, le duc devina que Gilbert s'était endormi. Les enfants ont de ces confiances innocentes qui touchent profondément. « Allons, » dit le duc, « j'en dois compte à Dieu. » Quand il parut dans cet équipage à la Cormelle, la bigorne poussa un cri qui réveilla Gilbert en sursaut. « Tiens, » dit l'enfant, « voilà encore une maison que je ne connais pas. » Monsieur de Carlepont le posa gaiement à terre parmi les poules et les chiens. « Voici un convive que je vous amène, la bigorne, » dit-il. « Il lui faudra ce soir une bonne soupe et un bon lit, et demain de bons vêtements chauds. » Une nourriture saine et un air de feu eurent promptement ranimé Gilbert. Assis aisément depuis les ramées de pain qui flambaient en répandant une bonne odeur de résine et le museau poilu de Falco entre les genoux, l'enfant narra volontiers son histoire. Monsieur de Carlepont apprit ainsi que Gilbert avait partagé depuis son enfance la bonne et mauvaise fortune d'une famille de sabotiers qui tirait maigrement sa subsistance du produit de son travail dans un village voisin d'Orléans. On les appelait le Gervais et la Gervaise et ils n'avaient point d'autres enfants. Un parent qui possédait une métairie dans le Maine les avait mandés près de lui pour l'aider dans son exploitation. On vécut bien un temps. Gilbert se souvenait des pommes de terre qu'on faisait griller sous la cendre. Il avait des sabots neufs. Un jour, après de grands cris, on se sépara. La Gervaise prit l'enfant par la main, le mari fit un paquet de séardes, et tous trois gagnèrent la campagne. « Pourquoi ce départ ?» demanda le duc. Une grande femme brune était entrée depuis peu à la maison, qui ne s'entendait pas avec la Gervaise, répondit Gilbert. On se disputait pour un fauteuil qui était au coin de la cheminée. Le fauteuil resta à la grande femme brune. Les sabotiers, chassés de chez leurs parents, s'établirent dans une cabane aux environs de Saint-Hem. Les sabots neufs devinrent vieux et ne furent pas remplacés. Gilbert se couchait parfois sans avoir trouvé une croûte à grignoter. Un matin, le mari de la Gervaise mit un morceau de pain bis et un oignon cru dans un méchant petit sac, prit l'enfant par la main et s'éloigna. La Gervaise pleurait dans un coin. « Bah, que veux-tu? Il le faut !» dit le sabotier d'un air bourru. Un moment après, continua Gilbert, nous étions loin de la chaumière. Mon guide marchait à grands pas. J'avais peine à le suivre. J'étais inquiet et ne savais pas où nous allions. La vue de deux gendarmes à cheval qui passaient sur la route me tira de mes réflexions. Cela me parut fort beau et j'enviais le sort de ces hommes qui voyageaient à cheval, le sabre au côté. Au bout d'une heure ou deux, le sabotier s'arrêta dans une auberge et, me mettant un papier dans la main, me montra du doigt un hameau dont je voyais le clocher à travers les arbres. Cela fait, il me poussa par les épaules. « Va tout droit, mon garçon, me dit-il. Tu donneras cette lettre à la personne dont tu vois l'adresse là-dessus. Surtout ne la perds pas. C'est plus important que tu ne penses. » Je partis tout d'un trait. Quand j'arrivai au hameau, j'eus beau frapper à toutes les portes. Jamais je ne pus trouver la personne dont le nom se lisait sur l'adresse. « On s'est moqué de toi, petit, » me dit un charron. Je m'en retournai bien vite à l'auberge. Le sabotier en était parti. Le chemin que j'avais parcouru le matin était devant moi. Je l'enfilai à la hâte. J'étais un peu las. Quand j'arrivai à la cabane où j'avais laissé la Gervaise pleurant, la porte était ouverte. Mais dans la pièce où on se tenait tout le long du jour, il n'y avait personne. Personne non plus dans l'enclos. Ce qui me frappa le plus, ce fut l'absence d'une chèvre qu'on y voyait encore le matin. J'attendis. Au bout d'une heure, n'y tenant plus, j'appelai. Rien. Je me mis à fureter partout. Une poule noire s'échappa en criant d'une grange où je venais d'entrer. Je ne sais pourquoi, mais en voyant qu'il n'y avait plus que la poule noire et moi dans la cabane, je me mis à pleurer. La faim se faisait sentir. Je m'aperçus alors qu'il n'y avait plus ni meubles ni ustensiles dans la maison. La peur me prit et je me mis à courir, laissant derrière moi la poule qui criait toujours. Un voisin m'apprit que la Gervaise et son mari étaient partis dans la matinée en carriole et qu'on les avait rencontrés sur la route de la ville. Au bout de 3 ou 4 lieues, j'avais perdu leurs traces. Le morceau de pain et l'oignon cru n'existaient plus. 3 ou 4 sous que je découvris au fond du sac me permirent de les remplacer. Aux approches de la nuit, je me glissai dans une grange où je dormis dans le foin. Au petit jour, et dans la crainte d'être pris pour un mendiant, je me jetai hors de la grange et m'éloignai à travers champs. J'avais toujours l'espoir de retrouver la Gervaise et le sabotier, mais le pays que je traversais m'était inconnu. Je regardais les maisons, je regardais les passants, tout cela ne me disait rien. Il me reste à peine une croûte de mon souper de la veille. Les pieds commençaient à me faire mal. Vers midi, j'avisai un pommier dans un champ avec de si belles pommes que, n'y tenant plus, je sautai aux branches. À peine avais-je arraché le premier fruit qui se trouvait à portée de ma main, qu'une voix terrible retentit non loin de là. Je me laissai tomber de l'arbre et bien m'en pris. Un paysan, grand comme un chêne, courait vers le pommier un bâton à la main. La peur me rendit mes forces. Je me glissai dans un taillis qu'on voyait à 100 pas de là, et me perdis dans le fourré. Quand je fus à l'autre bout du bois, il n'y avait plus ni chemin ni sentier. Je marchai encore quelque temps, puis, enfin, la fatigue et le chagrin me prirent d'un même coup. Je tombai au bord d'un fossé. Au moment où je pleurais de toutes mes forces, le sommeil me saisit. C'est alors que vous m'avez trouvé. À la fin de ce récit, Henri, qui n'en avait pas perdu une syllabe, se serra contre Gilbert par un mouvement où l'on sentait l'amitié. « Pauvre petit !» s'écria la Bigorne qui s'essuyait les yeux. « Ça, mon petit homme, ce sabotier qui t'a oublié dans un champ, ce n'est pas ton père ?» demanda M. de Carlepont. « Oh, que nenni !» dit Gilbert. « Ah, et cette lettre qu'il t'a donnée, l'as-tu toujours sur toi ? Certainement, la voici !» Gilbert tira de sa poche un papier maladroitement plié en forme de lettre et le tendit à M. de Carlepont, qui en brisa le cachet. Sous une première enveloppe se trouvait une feuille de papier grossièrement couverte de caractères mal tracés. Les lignes heurtées, et çà et là, zébrées de taches d'encre tombées d'une plume inhabile, présentaient les éléments d'une orthographe rudimentaire. Monsieur de Carlepont y déchiffra à grand-peine l'histoire de Gilbert. Le sabotier racontait qu'au mois d'avril 1800 et quelques, un monsieur de Paris était arrivé chez lui accompagné d'un enfant qu'il avait confié à la Gervaise. 6 mois de gage avaient été payés d'avance. Ce monsieur de Paris, qui portait une belle chaîne d'or, était descendu d'une voiture de poste et avait déclaré se nommer Raoul de Lanta, officier en disponibilité. 7 ou 8 trimestres furent payés régulièrement. 2 ou 3 fois même, dans le cours des 3 premières années, le comte de Lanta arriva comme une tempête, embrassa le petit, laissa quelques pièces d'or entre les mains de la Gervaise et s'en alla comme il était venu au grand galop. L'enfant grandissait. On l'envoya à l'école. Il apprit à lire, à écrire, à compter. Il profitait bien. Cependant, un temps vint où l'argent n'entrait plus dans la maison comme autrefois. On restait quelquefois 1 an sans rien recevoir. Une fois encore, après une longue absence, M. de Lanta parut. Il avait l'air fatigué. Il remit 100 écus à la Gervaise. Le sabotier remarqua qu'il descendait d'une carriole prise à Orléans. On ne le revit plus. La misère vint à la suite d'un incendie qui brûla tout dans la chaumière. Il fallut vivre d'expédients. On était à bout de ressources lorsqu'un parent appela le ménage dans le Maine. La Gervaise emmena le petit qui mangeait comme père et mère. Un temps, les choses marchèrent au gré de tous. Puis un jour, le parent s'enticha d'une coureuse qui l'installa chez lui. Il y eut des querelles. Cette femme usa de l'empire qu'elle avait pris sur le vieux métayer pour faire jeter à la porte le sabotier, la Gervaise et l'enfant. Ces pauvres gens prirent une cabane de location. Ils travaillèrent de leur mieux, le petit les aidait. Mais il n'y avait pas toujours assez de soupe pour tout le monde sur le feu. Pour la première fois, la Gervaise eut peur à la pensée de l'hiver qui allait venir. Sur ces entrefaites, une bonne âme offrit au sabotier et à sa femme de les conduire en Bretagne, dans une ferme où on avait besoin de bras solides, mais on n'y voulut point d'enfants. La Gervaise, qui s'était attachée au petit, hésitait. Elle allait peut-être refuser lorsque le sabotier lui fit entendre raison. La faim les talonnait et le petit en somme n'était pas à eux. Ils résolurent, d'un commun accord, de confier Gilbert à la Providence. C'est pourquoi, disait le sabotier en finissant, je vais donner au petit 4 sous qui nous restent, faire un paquet de tous les papiers que j'ai reçus autrefois, et le prenant par la main, je le conduirai dans un champ où j'ai l'intention de l'abandonner. Pendant la lecture de ce récit, que M. de Carlepont faisait à demi-voix, Gilbert tenait ses coudes sur ses genoux et la tête dans ses mains. De grosses larmes qu'il voulait renfoncer coulaient de ses yeux. Henri se pressait de plus en plus contre lui et l'embrassait. La bigorne ferma les poings tout à coup. « Ça, un homme !» dit-elle. Il avait donc le cœur d'un loup, ce monsieur de Lanta. L'enfant sauta sur sa chaise. « C'était mon père, taisez-vous » s'écria-t-il. « Ah, le petit lion, bien répondu, petit !» Et la bigorne, l'ayant soulevé d'un geste brusque et amical, l'assit sur ses genoux. L'enfant se laissa faire. Sous le papier barbouillé par le sabotier, le duc trouva une enveloppe graisseuse renfermant un acte de naissance en règle, une attestation du maire de la commune de Saint-Benoît qui confirmait le récit du sabotier et d'autres pièces relatives à M. de Lanta. Il n'y avait point de doute à conserver sur l'état civil de l'enfant. Quant au père, on pouvait supposer qu'il était mort. Lorsqu'il eut terminé, le duc leva les yeux sur Gilbert. L'enfant fermait les paupières à demi. Il les rouvrit sous l'influence magnétique du regard qui cherchait le sien, voulut se lever, sourit, pencha de nouveau la tête sur l'épaule de la bigorne et laissa tomber ses bras. Il dormait profondément. « Voilà un ami qui t'arrive, » dit le duc à son fils. « Toi, la bigorne, emporte-le dans la chambre où désormais elle vivra près de nous. Il me faudra maintenant tuer quelques lapins de plus. »